remplacer les problèmes. Ça tourne trop vite dans ma tête. Je rêve que tout s'arrête. Un jour, et quand la vie nous rappelle la mort, et quand nos choix nous rappellent à l'ordre, et quand la vie nous rappelle la mort, un jour, j'ai grandi entre la vie et la crise. Fallait faire partir toutes les marchandises. Dans ce business, les condés sont rois. Les juges comprennent pas qu'on n'a pas le choix. La drogue t'envoie à SOS. Réponse des rats, dorment dans la même pièce. On veut des liasses, mais l'argent ça vole. Dans ce cinéma, je tiens le mauvais rôle. Je veux devenir fou à force de penser à ça. La vie et les imbéciles te laissent pas le choix. On me dit tu comprendras, je réponds tu partiras. Mes ennemis sont des rats, sale fou tu répondras. La vie je lui mets des crochets, à croire qu'on est sur le ring. Compte pas sur moi pour flancher, même pas pour un featuring. C'est clair, personne ne voit plus rien. Au milieu de ces chiens, dur de garder sa main. Donc je vends mon âme, je fais du mal. 2017 la paix va moins vite que les balles. Va moins vite que les balles. Va moins vite que les balles. Bam, bam. On reconnaît ce que les gens aiment à leur visage. Réponds avec rage. L'argent fait ses bagages. Tu te retrouves en cage. Tu réfléchis cash. Un jour, faut tourner la page. Donc on se vide de nos sentiments en les dévoilant. Je roule dans l'illicite. Personne me tient le volant. T'as la famille en tête. Des rêves plein la tête. Quelques cigarettes. Mais le mal t'achète. Le bonheur, on court après. On essaie de le rattraper. Le moral est aux aguets. J'espère que t'es préparé. Les mots ont remplacé les problèmes. Ça tourne trop vite dans ma tête. Je rêve que tout s'arrête. Un jour, un jour. Et quand la vie nous rappelle la mort. Et quand nos choix nous rappellent à l'ordre. Et quand la vie nous rappelle la mort. Un jour, un jour. Les mots ont remplacé les problèmes. Ça tourne trop vite dans ma tête. Je rêve que tout s'arrête. Un jour, un jour. Et quand la vie nous rappelle la mort. Et quand nos choix nous rappellent à l'ordre. Et quand la vie nous rappelle la mort. Un jour, un jour. Yeah. TK1-3. Un jour, un jour, un jour. Les mots ont remplacé les problèmes. Je rêve que tout s'arrête. Et quand la vie nous rappelle la mort. Et quand la vie nous rappelle la mort. Un jour, un jour, un jour, un jour.